fleurit au mois de mai. J'espère qu'il fleurit pas qu'au mois de mai parce qu'on en a pour un bout de temps à attendre quand même. Hein. Mais c'est un extrait de Chanson d'amour, l'opérette sur les airs de Schubert, interprété par l'Opéra à Bretelles avec Christelle Soto, avec Joël Delezao, avec Marie-France Bechler, avec Michel Mouleuser, avec Jean-Luc Weber, avec Christelle Soto. J'ai dit deux fois parce qu'elle est directrice et elle est à l'accordéon. C'est normal, ça fait pas le double de salaire hein, quand même. L'amour fleurit au mois de mai, bienvenue. Tous ces titres, vous les retrouvez sur rts.ch/cam, évidemment, pour réécouter l'émission. Et puis, les titres que vous écoutez en ce moment, vous les verrez en vidéo tout à l'heure sur la page Facebook, c'est-à-dire la page Pop Suisse, ainsi que sur MX3 Volksmusik. Voici donc l'opéra à Bretelles.